Allez, c'est l'heure de remonter le temps avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 21 février 1613. Oui, le temps passe, hein, c'est fou. 1613, 21 février, date de l'élection de Michel Romanov au trône de la Sainte-Russie. Je triche un petit peu ce matin pour tout dire parce qu'il s'agit d'une date selon le calendrier julien qui à l'époque était en vigueur en Russie. Il faudrait ajouter 13 jours pour avoir la date chez nous. Mais je trouvais intéressant de vous raconter cet épisode important de l'histoire russe. Alors allez-y, dites-nous Franck, d'où il sort ce fameux Michel Romanov? Ce n'est pas n'importe qui, hein, ce jeune homme, parce qu'il n'a que 16 ans. Est le fils du patriarche de Moscou, le fameux Philarète, qui s'est battu contre les Polonais et qui se trouve être encore leur prisonnier à l'époque. Michel est donc un Romanov, c'est-à-dire un proche parent de la dynastie des Rurikides, qui s'était éteinte avec Ivan le Terrible et qui n'a jamais été vraiment remplacé. Depuis, c'était une période de troubles terribles. Tout ça fait de lui le favori des états généraux, le Zemsky Sobor, qui va donc élire ce nouveau tsar. Parce que donc, en Russie, à l'époque, le tsar est élu. Alors non, non, pas du tout. Même la monarchie est héréditaire, seulement en l'occurrence il n'y a plus de tsar légitime. Et pour fonder une dynastie et mettre fin à ce qu'on appellera la période des troubles, il faut bien désigner quelqu'un, d'où cette élection qui est tout à fait exceptionnelle. Michel est élu le 21 février, il sera couronné le 21 juillet et il va fonder solidement cette dynastie des Romanov qui, vous le savez, régnera pendant plus de 3 siècles sur la Russie, jusqu'à février 17 et jusqu'à l'abdication de Nicolas II, dont on a célébré le centenaire. Là, il y a quelques mois maintenant. Un détail curieux, pour cette fameuse élection, on est allé chercher Michel dans une retraite qui s'appelait le monastère Ipatiev. Or, son dernier successeur, Nicolas II, sera assassiné en 1918 dans une maison nommée Ipatiev. Il y a comme ça des clins d'œil de l'histoire. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Et oui, pour une heure entière d'immersion dans la civilisation viking.